to to, hein? Tô bom aqui, ó. On était tranquille avec mon chat. Il m'écoute jouer de la musique, ça lui plaît depuis tout à l'heure. La queue, elle bouge même pas. Oui, voilà, la queue, elle bouge même pas, toi. Il est super relax. Il écoute la père faire de la musique, il ne peut pas chier. Alors, bien zèle. Moi, je sais pas à quelle heure exactement ils vont venir, mais on se mettra à table. S'ils viennent qu'on est à table, on prend le chaud. Non, ils vont rester comme nous, il était vers 7h30, donc... Ouais, j'ai laissé le micro ouvert. Bon, j'ai un tabac. La première fois que j'ai un public, j'ai mon chat qui est à côté qui me fait pencher. Il marche pas sur le clavier, il marche nulle part.